طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الآن on va commencer à rentrer dans les un peu plus en profondeur dans le but visé de ce livre qui est Al-Usul min ilm al-Usul les Cheikh Al-Uthaymin. قال الأحكام لرج الأحكام جمع حكم وهو في اللغة القضاء القضاء الأحكام c'est le pluriel du mot حكم الأحكام c'est le pluriel du mot حكم et selon la langue arabe ça signifie القضاء le jugement القضاء le jugement hakama fulan ala fulan un tel a jugé sur un autre tamam al ahkam al hukm fi al lugha dans la langue selon la langue arabe c'est le jugement wa istilahan et en ce qui concerne le linguistique des gens de usul al fiqh ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع Et selon la linguistique des gens de Usul al-Fiqh, le jugement, le hukm, c'est ce qu'implique la parole du législateur ce qu'implique la parole du législateur étant en relation avec les œuvres étant en relation avec les œuvres des mukallafin Mukallafin, comment je pourrais le traduire? Là, ouais, ceux qui sont qualifiés de responsables religieusement, ceux qui sont qualifiés de responsables religieusement. Ahsan Tismari. Ceux qui sont qualifiés de responsables religieusement. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit au niveau de la linguistique, ce qui implique la parole du législateur. Voilà, ce qui implique la parole du législateur. Ouais, en relation. En relation avec les œuvres des mukallafines. On a dit mukallafines. Ça, c'est dans la linguistique. Hein? Ouais. Ouais, la linguistique des gens du usul. Ça va? Et on a dit mukallafines, c'est quoi? C'est les personnes responsables, jugées. Les personnes jugées responsables religieusement. Par exemple, le majnoun, le fou. Il n'est pas responsable. Il n'est pas mukallaf. Ou l'enfant, le petit enfant, il n'est pas mukallaf. Tamam. Il n'est pas jugé responsable. Taïb. À la kulli hal, patientez encore, il reste une petite page. C'est un peu difficile à comprendre, mais après, Inch'Allah, juste après, on va rentrer dans des choses plus intéressantes. Taïb. Qala fal muradu bi qawlina khitab al-shar'a. Al-Kitab al-Sunnah, ma'lum. Lorsque Cheikh Al-Uthaymin dit la parole du législateur, c'est-à-dire le Kitab et la Sunnah. Taïb. Wal-Murad bi-Qawlina al-Muta'alliq bi-Af'al al-Mukallifin ma ta'allaqa bi-A'malihim sawa'an kanat qawlan ou fi'lan ijadan am tarkan. C'est-à-dire Af'al, on avait dit en relation avec les œuvres, ou en relation avec les œuvres des personnes. Ça, C'est-à-dire, en gros, les œuvres des gens, que ce soit des paroles ou que ce soit des œuvres, ou que ce soit même le fait de délaisser une chose. Tout ça, ça rentre dans le mot hukm. Tout ça, c'est compris dans le mot hukm. طيب ثم قال فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. Et donc est sorti de cette définition tout ce qui est en lien avec la croyance. Ce qui est en lien avec la croyance, ça s'appelle pas un jugement, ça s'appelle pas un hukm selon cette définition linguistique. Ça ne s'appelle pas un hukm selon cette définition linguistique. طيب والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنه التكليف. Et lorsque l'on dit al-mukallafin, c'est-à-dire ceux qui sont jugés, comme on a dit, responsables religieusement. فلا يشمل الصغير والمجنون. Donc ça sous-entend pas ou ça ne regroupe pas la personne petite ainsi que le fou, celui qui est dépourvu de raison. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. On avait dit quoi dans la fin de la définition? Ah, j'avais pas terminé. On s'est arrêté là. طيب. Il a dit من طلب أو تخيير أو وضع, c'est-à-dire la parole du législateur, là on revient. Vous pouvez me redonner la phrase, comment je l'ai dit au début? La parole du législateur est en relation avec les œuvres des mukallafin. En étant en relation avec les œuvres des mukallafin, comprenant une demande ou un choix ou un signe. Ou un signe. Tout ça, ça va venir dans le livre, ça va être expliqué au fur et à mesure. Voyez. Inch'Allah, kullu hada, ça va venir au fur et à mesure, Inch'Allah. Donc, je vous lis juste la partie, Inch'Allah, ça va venir, Inch'Allah. Dans la page d'après. Taïb, wal murad biqawlina min talab. Lorsqu'il dit comprenant une demande, c'est-à-dire les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala comprenant une demande. Par exemple, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aqimus salah, al-amr. Aqimus salah, Allah subhanahu wa ta'ala dit accomplissez la prière, c'est une demande. Faqala al-amr wal-nahi. Donc la demande, ça sous-entend l'ordre ou l'interdiction. L'ordre ou l'interdiction. Que ce soit d'une manière à la sabil al-ilzam, c'est-à-dire d'une manière obligatoire ou d'une manière recommandée. On dit que c'est un ordre ou une interdiction. Voilà, talab, c'est soit un ordre, soit une interdiction. Maintenant, cet ordre ou cette interdiction, elle peut avoir lieu de deux manières. Soit d'une manière obligatoire ou soit d'une manière préférable. Tamam? Non, ça rentre pas forcément dans l'obligation. Si c'est d'une manière préférable, ça sera mustahab. Ça sera recommandé, ça va venir tout ça. Inch'Allah, ça va venir. طيب والمراد ثم قال والمراد بقولنا أو تخيير أي المباح. Et lorsqu'il te dit comprenant un choix, c'est-à-dire le licite, c'est ni un ordre, ni une interdiction, ni une chose préférable, ni une chose détestable, c'est licite. Par exemple, le fait de manger de la hyène. Le fait de manger de la hyène, ma hukma. Bien, Sofiane. Manger de la hyène, c'est permis ou c'est pas permis? Naam. C'est permis. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a jamais mangé. C'est un animal sauvage, c'est un animal sauvage. Naam. Et c'est un animal qui a des dents, on les appelle de Aniab. Naam. Normalement, tous les animaux qui ont des crocs, ils sont interdits. À l'exception de cet animal-là. Naam. Ah, c'est une exception. Ouais, c'est une exception. C'est un hadith. C'est le fer de certains compagnons en présence du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallam, même s'il n'a pas mangé, il l'a permis. Le lézard. Le fait de manger une certaine catégorie de lézard. C'est permis parce que le prophète sallam, il a vu Khalid ibn al-Walid manger du lézard et il lui a rien dit. Ni il lui a ordonné, ni il lui a interdit, ni il lui a dit mustahab, ni il lui a dit makro. Fawa, c'est licite. Tamam. Et toutes ces catégories, elles vont venir avec nous. والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفساد ونحوهما مما وضعه الشارع علامة من علامة وأوصاف للنفوذ والإلغاء. طيب قال بعد ذلك أقسام الأحكام الشرعية. Donc les jugements religieux, ils sont de deux sortes. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين تكليفية ووضعية. Donc les règles religieuses, elles se divisent de deux sortes. Tu as les règles religieuses propres à ceux qui sont jugés responsables religieusement. Et tu as les règles religieuses qui sont propres à des signes ou à des conditions ou autres. Mathalan, le fait que la prière du dhuhr, elle commence à partir du déclin du soleil. Ça, c'est un signe. C'est une règle religieuse. Mais elle n'est pas en relation directe avec ceux qui sont jugés responsables. Non, ça, c'est une règle religieuse en relation avec les signes. Des signes. Mafoum ? Ala kulli hal, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui va nous intéresser dans le sujet de l'Ikhl, c'est l'ahkam taklifiyya. Celles qui sont en relation, les règles juridiques en relation avec les jugements juridiques, en relation avec ceux qui sont jugés responsables. Tamam ? Fa. قال تكليفية ووضعية فتكليفية خمسة ça c'est à retenir بالحفظ lorsqu'on que vous entendez les ulama dire يجري عليه الأحكام الخمسة dans ce point là parmi les points de la religion s'y retrouvent les cinq règles c'est quoi? Les cinq jugements plutôt, c'est quoi? C'est al-wajib, l'obligation. Ou al-mandoub, ça se dit aussi le mustahab. T'as dit au début, il y a deux règles de deux sortes. Voilà. Ça, les cinq, c'est dans le. Taklifiya. C'est dans la première. Taklifiya, celle qui est relative aux personnes jugées responsables. Taïb. نعم et c'est là qu'on rentre dans les profondeurs du livre et ce qui nous intéresse du livre. Donc c'est là qu'il explique. Donc on a dit les cinq règles taklifiya, ahkam al-taklifiya al-khamsa, c'est le wajib, al-mandoub, wal-muharram, wal-makruh, wal-mubah. Ce qu'on appelle l'obligatoire, ce qui est obligatoire, ce qui est mustahab, recommandé, ce qui est interdit, ce qui est détestable et ce qui est licite. Tamam. Qala al-wajib. C'est là que là, il évoque qu'est-ce que le wajib. Car beaucoup d'entre nous, on peut être amené à dire d'une chose que c'est wajib sans vraiment savoir qu'est-ce que le wajib. C'est quoi une chose que tu dis wajib? Tamam. قال فالواجب في اللغة الساقط واللازم الساقط واللازم il dit le wajib filloga une chose qu'on appelle wajib dans la langue arabe c'est une chose qui est tombée c'est une chose qui tombe الساقط une chose qui tombe ou qui reste ou qui reste c'est une chose qui tombe ou qui reste vous pouvez noter en guise d'exemple minhu qawluhu ta'ala fa'idha wajabat junubuha fa'idha wajabat junubuha qui c'est le fatin qui peut nous donner le sens de ce verset fa'idha wajabat junubuha quand elle est tombée lorsque elle est tombée sur le côté tamam il a utilisé il aurait pu dire fa'idha saqatat et lorsqu'elle est tombée mais il a utilisé wajabat na'am wajabat junubuha wajabat dans le sens tombée et là il parle de la chamelle lorsqu'elle se fait égorger et qu'elle tombe sur le côté tamam donc ça montre que al-wajib fil lugha as-saqit طيب mais selon le linguistique des gens de Usul, et ça c'est à apprendre par cœur. Cette définition là, c'est pas comme les autres. Les autres c'est un peu compliqué, c'est des fois ambigu ou c'est un peu du chinois pour ceux qui c'est la première fois qui font du Usul al-Fiqh. Lakin celle là, cette définition là qu'on va voir là, elle est à apprendre. Celui qui peut l'apprendre en arabe, fabi wa ni'ma, au pire qu'il la retienne même en français, parce que vous allez la voir dans beaucoup de livres. Voyez. الواجب سكوا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. C'est ce qu'a ordonné le législateur. Le wajib, c'est ce qu'a ordonné le législateur d'une manière ou d'une façon obligatoire. C'est ce qu'a ordonné le législateur d'une manière ou d'une façon obligatoire. كالصلوات الخمس comme les cinq prières. Taïb. C'est ce qu'a ordonné le législateur d'une manière obligatoire. Qala fa kharaja bi qawlina ma amara bihi shari'. Et donc Cheikh Al-Uzaymi dit on a accepté avec notre parole lorsqu'on dit ce qu'a ordonné le législateur le muharram le makruh ou le mubah. On a accepté l'interdit, le haram, ainsi que ce qui est détestable et ce qui est mubah, avec notre simple parole, ce que le législateur a ordonné. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur, il n'ordonne pas le muharram. Il n'ordonne pas le muharram, ni il n'ordonne le détestable, ni il n'ordonne le mubah. Le mubah, c'est une chose que tu, le mubah, c'est-à-dire le licite, c'est une chose, tu as le choix. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Tu es libre. Tamam. قال وخرج بقولنا على وجه الالزام المندوب et lorsqu'il dit lorsqu'on a dit ce que le législateur a ordonné d'une manière obligatoire avec la parole d'une manière obligatoire on a extirpé le mustahab on a enlevé le mustahab parce que le mustahab c'est quoi c'est la même définition sauf que c'est pas d'une manière obligatoire. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, mais pas d'une manière obligatoire. Un simple exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné qu'on, ou il a interdit qu'on boive debout. Tamam? Il a ordonné qu'on boive assis. Tamam? Est-ce que ça rentre dans le wajib ou dans le mustahab? Le fait de boire assis, est-ce que c'est wajib ou est-ce que c'est mustahab? Hein? C'est mustahab. Pourquoi c'est mustahab? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà bu debout. Ce qui montre que son ordre ici là, il n'est pas d'une manière obligatoire. Mais il est d'une manière recommandée. Ça va? Tu vois là, tu il faut que tu aies une certaine connaissance de certains autres hadiths. Naam. Ahsante ya bani. Naam. Donc à la kulli hal, vous retenez que le wajib, ce qu'on appelle le wajib, c'est ce que le législateur a ordonné d'une manière obligatoire. Tamam. Donc ce qu'il a ordonné est sorti, on a sorti par la parole ce qu'il a ordonné, on a sorti le muharram, le makruh et le mubah. Et lorsqu'il dit d'une manière obligatoire, on a sorti mada, qu'est-ce qu'on a sorti? Lorsqu'il dit c'est une chose, c'est ce que le législateur a ordonné d'une manière obligatoire. Lorsque tu dis d'une manière obligatoire, tu sors ou tu acceptes quelle catégorie de ahkam? Le mustahab. Le mustahab, ce qui est recommandé, ça c'est la même définition, c'est-à-dire que c'est ce que Allah a ordonné, hein, mais pas d'une manière obligatoire. C'est-à-dire quand toi tu dis d'une manière obligatoire, là tu as fait sortir le mustahab. Tamam? Thumma qala wal wajib. Et aussi min bab al fa'ida, que lorsque par exemple, là c'est que lorsqu'il dit ma amara bihi shar, c'est ce que a ordonné le législateur. Ça c'est le wajib, yani istilahan. Ça veut dire si ton grand frère مثلا, il t'ordonne une chose. Il t'ordonne d'aller lui chercher quelque chose. Est-ce que ça c'est wajib? Est-ce que ça c'est, on appelle ça wajib? Hein? On n'appelle pas ça wajib selon le linguistique des gens du usul. Pourquoi? Parce que le wajib c'est seulement ce qui est en relation avec l'ordre d'Allah. Tamam? Tayyib. Qala wal wajib yusabu fa'iluhu. Et ça aussi pareil, c'est à retenir. Donc la définition, tamam, la définition elle est à retenir. Et aussi le mada atharu, ce qu'on appelle l'effet du wajib. Qu'est-ce qu'il a comme effet le wajib? Le wajib, qu'est-ce qu'il a comme effet? Son effet primordial c'est que al wajib yusabu fa'iluhu imtithalan. Le wajib, celui qui le fait, celui qui accomplit le wajib, il est récompensé. Et il a rajouté imtithalan. Imtithalan pour dire si toutefois il a fait cette affaire-là par soumission. Parce qu'il y en a, ils peuvent faire le wajib par contrainte. Tamam. Mais lorsqu'il rajoute la parole imtithalan, c'est pour dire qu'il l'a fait par soumission. Donc le wajib, dès que vous entendez une chose, c'est wajib, sachez que celui qui fait cette chose-là par soumission à Allah Azzawajal, alors il est récompensé. Tamam? Wa yastahiqu al-iqab tariqah. Et sachez aussi que celui qui laisse ce wajib, il mérite le châtiment. Il mérite le châtiment. Ça, c'est le wajib. Celui qui le fait, il mérite, il est récompensé s'il l'a fait d'une manière soumise. Et si madame, enfin, je te donne un exemple. Al-mar'a, la femme qui porte le sitar, talbisuhu li zawjiha, elle le porte par rapport à son mari. Tamam? Est-ce qu'elle bénéficie de la récompense? Elle bénéficie pas de la récompense. La bouddha n'taf'al hadal amr imtithalan lillahi azza wa jal. Qu'elle le fasse par obéissance et soumission à Allah azza wa jal. La rêve. Naam. Wa yastahiqo al taïb. Et pourquoi le shir il dit wa yastahiqo al iqab tariqo. Et il mérite le châtiment celui qui laisse le wajib. Pourquoi il a pas dit comme certains savants ont dit wa yu'aqab tariqo, et il est châtié celui qui laisse le wajib? Ahsant. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément celui qui a laissé le wajib qui va être châtié. il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui fasse une miséricorde et lui pardonne. Donc la bonne parole, c'est de dire qu'il mérite le châtiment, celui qui laisse le wajib. Tamam. Et ça, c'est un petit dars. Là, avec ces simples fawaid, tu comprends mieux lorsque quelqu'un, parmi les gens de science, il te dit hada wajib. Il n'a pas besoin de. Si tu as étudié, il n'a pas besoin de te dire que si tu ne le fais pas, tu as un péché ou là. Araf, khalas, anta daras ta'rif. Si tu ne le fais pas, allez, wizr. Tu prends un péché. Et si tu le fais, tu prends une hasanat si tu l'as fait toutefois par soumission. Et le wajib, on le nomme aussi fard. Fard. Fard, wajib, farida. وكذلك حتم شيء محتوم واللازم. Tout ça, c'est des noms avec lesquels on dit que tout ça, c'est des noms qui sous-entendent le wajib. طيب, et on s'arrête là pour aujourd'hui. Inch'Allah, demain, on verra c'est quoi le mustahab. Et si Allah est facilite, on prendra aussi le muharram. ونحث الإخوة والأخوات على الحضور فإننا في بلد فتن إيوة رب الكعبة وكل واحد لابد أن يمتثل قول الله عز وجل قو أنفسكم وأهليكم نارا donc nous on enjoint la plupart des frères et des sœurs à assister à ces dourous. Non pas parce que c'est nos cours, mais parce que c'est un sabab de najat. C'est un sabab, c'est une cause qui va faire vivre les cœurs. Wa hayatul qulub a'am wa afdal min hayatul ajsam. Et le fait de faire vivre le cœur, c'est plus important que de faire vivre les corps en prenant soin de manger ou autre. نعم حياة القلوب هذا هو الحقيقة. Le fait de faire vivre ton cœur, c'est ça le plus important. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر في صوركم ولا في أموالكم وإنما ينظر في قلوبكم وأعمالكم. فموطن النظر من الله عز وجل القلب. الله سبحانه وتعالى ne regarde pas dans vos images, dans votre apparence, ni dans vos biens. Ça, Allah, ça, il ne prête pas d'importance à cela. Mais c'est quoi qu'il regarde? Vos cœurs et vos actions. Vos cœurs et vos actions. Et il n'y a pas une meilleure cause pour faire vivre les cœurs que la science. Nafi. Des fois, certaines personnes ils peuvent penser qu'on abuse sur les bienfaits de la science. La wallah. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man yuridillahu bihi khayran. Celui à qui Allah il veut du bien, il lui enseigne la religion. Tout ce temps que vous êtes là, vous êtes rentré et vous allez ressortir plus avant que vous êtes rentré. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul li nabiyyi qul rabbi zidni ilma. Allah subhanahu wa ta'ala il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander qu'on lui rajoute de la science. Ya ikhwan, nahnu fi ayyam fitan. Nahnu, on est dans une période de fitan, énormément de troubles. Shaitan wara kull wahid. Shaitan il est derrière tout un chacun. Yuhawil yakhtatifu. Et il essaie de faire tout son possible pour kidnapper et enlever certains d'entre nous du droit chemin. La tadhunnun anna ash-shaytan yarkaz ala man huwa sakran tout le nahar wa yarkaz wa yani fi al-aghani wa ghayr dhalik. Shaitan khalas sar ma yibali bih. هو يهتم بمن يهتم بأمره بأمر دينه وآخرته. الشيطان il a que faire de gens qui sont déjà dans l'égarement. Il a que faire d'eux. Lui ce qu'il veut c'est sortir des gens qui sont sur le droit chemin. Comme il l'a dit dans plusieurs, comme c'est évoqué dans plusieurs versets, qu'il va se poser sur le droit chemin. Il n'a pas dit il va se poser sur le chemin de l'égarement. لا خلاص من ضاع. Celui qui s'est perdu, il s'est perdu. Khalas. Dhukira l'imam Dhukira ibn Abbas. On a évoqué à Ibn Abbas que les juifs, ils se moquaient des croyants et disaient, en disant que eux dans leur prière, ils n'ont pas de waswas. Ils trouvent un khushu' attam, contrairement aux musulmans. Et Abdallah ibn Abbas, il a répondu, il a dit, parce que Shaitan, il n'a que faire d'une maison démolie. Lui, ce qu'il veut, c'est une maison construite pour la démolir. Il ne vient pas vous faire de waswas dans vos prières parce qu'elles sont déjà bâties. Aslan wa faslan. Lui, ce qu'il veut, c'est venir détruire la prière de quelqu'un que sa prière, elle est comptée. Naam. Fakullu wahid yahris ala al-akhir. Nous, on est dans un pays où c'est pas facile de tenir sa religion. Allahumma, ces petits douros, on se réunit. Fiha khair. Fiha khair. Nahnu nuhib an nara ikhwanana fi al-masjid. في الدروس ما نحب نراه أو لم نراه والله يا إخوة moi j'aime voir mes frères avec moi dans ces دروس وكم من والدين نصيحة نتناصح on aime voir les frères, on aime. Pourquoi? Parce que ça c'est notre force. Quand on est tout seul, نضعف. Et quand on est en جماعة, et le fait qu'on se voit comme ça, à la ta'at illah, c'est une grande ni'ma. Fahrisu waffaqakum Allah. Wala tuqaddimu yani ala hadhi ad-durus ma la yarji ilaykum bin-naf. Ha? Fa ihrisu ala hadhi ad-durus wa kadhalika celui qui peut. Et j'encourage tout le monde, tous ceux qui sont présents qui entendent ma parole, fi hifdh al-Qur'an. حفظ القرآن حفظ القرآن معنا خير on a du خير ici والله يا إخوة ne laissez pas les années passer 10 ans 15 ans 20 ans t'es dans l'islam ما كملت القرآن ما هو صحيح ça doit être le but, ça doit être le but de tout un chacun en vérité, pas passer du temps comme ça dans l'islam et on termine pas le Coran. معنا أخونا عيسى. Hein? Qui donne de son temps pour celui qui peut profiter, yahfaz, fahfazo, wajjidu wajtahidu fi hifz al-Qur'an. Parce qu'il y a un temps qui va venir, vous n'aurez même plus le temps pour apprendre. Wal Qur'an khayru ma yuhfaz, yuhtafaz bih. Le Qur'an, c'est la meilleure des choses qu'on retient. Dans toute ta vie, tu ne vas pas trouver quelque chose de meilleur à retenir. Kalamullah. Juste avec une récitation de ce que tu vas retenir, Allah subhanahu wa ta'ala yubarak fi waqtik. Yubarak fi umurik. Wa al-baraka min Allah azza wa jalla. Na'am. Kana Sheikh Yahya yaqul, ya ikhwa, kullu ma tahfaz. Tu peux essayer d'apprendre quelque chose le matin autre que du Coran. Même si c'est des ahadith de Sahih al-Bukhari ou Muslim wa dha wa dha wa dha. I'rif que ce qui t'a loupé ce que t'as loupé du Coran, c'était a'zam que tout ce que t'as appris là. Même si c'était ne serait-ce que une moitié de page ou un ayah. Ihfazou le Coran, ya ikhwa. Ihfazou le Coran. Ça c'est très très important. C'est l'asl. Wa ansah nafsi, c'est pas vraiment, c'est même moi je me conseille, vous m'avez vu. Vous avez vu, le Coran, il est pas mutqin indi. Si j'avais du temps pour le réviser, alhamdulillah, celui qui a du temps, qu'il le révise, qu'il continue à l'apprendre. Tamam? Ostafidu min akhina Isa ou akhana Abdul Wahab. Ou gheiro. Kullu wahid ya'khudh musammi'. Chacun essaie d'avoir un collègue avec qui il révise le Coran. Fahada jay. Hatta même chez les sœurs, qu'elles pensent à réviser le Coran et à l'apprendre et à se le réciter. Non. Ça c'est min khayri a'mal al-birr. Na'am. Wa ila huna wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.